L'épître de Jacques. En abordant cette épître, il me paraît utile de donner quelques précisions sur son auteur. Quatre hommes portent le nom de Jacques dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, deux disciples de Jésus-Christ. Jacques, frère de Jean et fils de Zébédée, qui fut décapité sur l'ordre du roi Hérode, Actes 12:2, et Jacques, fils d'Alphée, surnommé Jacques le Mineur. Puis, Jacques, père de l'apôtre Jude. Et enfin, Jacques, l'un des fils de Joseph et Marie, donc un frère du Seigneur Jésus lui-même. Matthieu 13:55, Marc 6:3. C'est lui l'auteur de l'épître. Selon les évangiles, les frères de Jésus ont été d'abord incrédules. Jean 7:5. Ils ont probablement méprisé celui qui vivait dans leur famille comme un simple homme, tout en demeurant parfait Dieu. Mais leur résistance a cédé, car, après la résurrection de Christ, nous les trouvons dans la chambre haute à Jérusalem, où ils persévèrent dans la prière avec les disciples. Actes 1:14. Jacques, quant à lui, a bénéficié d'une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 7. Rencontre qui, sans doute, l'a profondément marqué. Il a joué ensuite un rôle important dans l'Église primitive. Il a même porté la responsabilité principale de l'Assemblée de Jérusalem. Actes 15-13, Galates 1-19. Mais si Jacques était le frère terrestre du Seigneur, il ne s'est jamais prévalu de ce lien de parenté en s'adressant à ses frères dans la foi. Au contraire, il a donné les preuves d'une très grande humilité, introduisant son épître par ces mots « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Donnant l'exemple de l'humilité, il était d'autant plus autorisé à exhorter les croyants dans ce sens. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Jacques 4, versets 6 et 10. La plupart des épîtres du Nouveau Testament ont été envoyés à des églises formées en majeure partie de chrétiens sortis du paganisme. Mais Jacques adresse son écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire aux nombreux juifs convertis au christianisme établis dans tout l'Empire romain. On ne sera donc pas surpris de constater qu'il cite des phrases de l'Ancien Testament et mentionne plusieurs personnages bibliques bien connus, Abraham, Isaac, Rahab, Job, Élie. Je reviendrai à Élie tout à l'heure. Le langage de Jacques est très imagé. Ainsi, pour sensibiliser ses lecteurs au mal que peut faire la langue et à la nécessité de la contrôler, chapitre 3, il fait successivement appel à plusieurs comparaisons. Le mort qui bride le cheval, le gouvernail qui dirige un navire, le feu qui embrase une grande forêt, les animaux qui sont domptés par l'homme, la source qui jaillit, et le figuier qui ne peut produire des olives. Richesse de langage, avons-nous dit, mais aussi grande variété de sujets. En 5 chapitres, Jacques parle de beaucoup d'aspects de la vie chrétienne, insistant sur les implications pratiques d'un christianisme vécu tous les jours et sur les œuvres qui doivent en résulter. Jacques n'est pas un dogmaticien comme Paul, mais ses instructions toutes simples complètent admirablement la théologie de Paul sans jamais la contredire. Et maintenant, parcourons rapidement l'épître elle-même. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2. C'est ainsi qu'il entre en matière. Pour encourager les juifs convertis qui endurent la persécution, il mentionne en premier lieu leurs afflictions. Ces afflictions qui peuvent devenir un sujet de joie pour eux et par lesquelles ils apprendront la patience, la foi et l'espérance. Chapitre 1, versets 2 à 12. Or aujourd'hui, il en est de même. Dieu permet l'épreuve pour l'affermissement de notre foi et pour nous apprendre à regarder à l'ultime récompense. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Chapitre 1er, verset 12. Un sujet en appelle un autre. Après avoir évoqué la tentation, Jacques affirme que Dieu n'inspire jamais cette tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Jacques 1, versets 13 à 15. Cependant, Dieu est prêt à nous délivrer du tentateur, et nous pouvons trouver en lui un constant secours, car « toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Chapitre 1er, verset 17. Et ces grâces excellentes nous sont communiquées par la parole de Dieu, cette parole qui est un miroir où nous pourrons voir ce que nous sommes par nature. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Chapitre 1er, versets 23 à 24. Peut-être que nous nous sommes regardés plusieurs fois dans un miroir depuis ce matin. Mais avons-nous pris le temps de nous regarder dans le miroir de l'Écriture sainte? En lisant la Bible, avons-nous découvert les capacités de ruse de notre cœur naturel et toute la souillure qui le caractérise, afin que remède y soit porté en pleine connaissance de cause? Vous le voyez, l'épître de Jacques nous enseigne des leçons essentiellement pratiques. Je résume. Les épreuves permises par Dieu, chapitre 1er, verset 1 à 15. Les grâces venant de Dieu, verset 16 à 21. Le miroir de la parole de Dieu, versets 22 à 25, et, à la fin du chapitre, la vraie religion devant Dieu, versets 26 à 27. Puis Jacques s'arrête successivement sur l'amour fraternel selon Dieu, chapitre 2, versets 1 à 13, et la foi selon Dieu, cette foi, accompagnée des œuvres, qui fut celle d'Abraham et de tant d'autres, chapitre 2, versets 14 à 26. Il montre ensuite qu'une saine discipline doit s'exercer sur notre langue, chapitre 3, versets 1 à 12, et tout naturellement, il passe du contrôle de la langue à celui des pensées, nous mettant en garde contre les manifestations de la sagesse propre, si différentes de la vraie sagesse qui vient d'en haut, chapitre 3, versets 13 à 18. Au chapitre 4, Jacques nous exhorte à nous séparer du monde, versets 1 à 6. À nous humilier et à nous soumettre à Dieu, versets 7 à 10. À ne pas nous juger les uns les autres, versets 11 à 12. Et à rechercher en toutes circonstances la volonté du Seigneur, versets 13 à 17. Au chapitre 5, versets 1 à 6, il dénonce ceux qui ont abusé de leurs richesses et ont frustré les ouvriers de leur salaire. Puis, l'écrivain sacré engage les chrétiens à la patience, chapitre 5, versets 7 à 12, et à la prière, chapitre 5, versets 13 à 18. Il achève sa lettre en exhortant les croyants à ramener les égarés, chapitre 5, versets 19 à 20. Lisez, relisez cette épître de Jacques. Elle vous apportera l'encouragement dont vous avez peut-être besoin aujourd'hui même, ne serait-ce que dans le domaine de la prière. Jacques écrit « La prière agissante du juste » est une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, 16 à 17. Comme au temps d'Élie, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes pour en faire des points d'appui de son œuvre. Dieu a pu compter sur Élie en un temps d'incrédulité et d'abandon de la foi. Élie a prié et Dieu l'a exaucé. Pourtant, Élie avait ses défauts, comme nous avons les nôtres. Il a été un géant de la foi en 1 roi chapitre 18. Mais cela ne l'a pas empêché d'être découragé au point de demander la mort au chapitre suivant. Hélas, notre vie spirituelle subit aussi des fluctuations, des hauts et des bas. Mais Dieu est toujours prêt à nous relever. En dépit de nos manquements, il nous convie à la prière. Il nous appelle à une vocation de témoin en nos temps d'indifférence et d'apostasie. Dieu fera de grandes choses par notre moyen s'il nous trouve à genoux, priant pour ceux qui nous entourent, les membres de notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, et aussi pour nos autorités, nos gouvernements ou nos nations. Car la prière change les choses, les gens et les circonstances. Personne ne connaissait l'évangéliste américain Dwight L. Moody lorsqu'il débarqua en Angleterre en 1867. Mais dans une paroisse de campagne, une dame infirme avait lu l'un de ses sermons. Dès lors, elle avait prié chaque jour pour que Moody vienne prêcher l'évangile dans son village. Cette dame infirme ne pouvait plus se déplacer, mais sa sœur lui racontait tous les événements de la paroisse. C'est ainsi que l'infirme apprit un dimanche que le pasteur avait cédé la parole à un jeune Américain pour qu'il rende son témoignage. « Et quel était son nom ?» demanda l'infirme. « Moody, lui fut-il répondu. « Et il doit encore prendre la parole à l'église ce soir. » Comblée de joie par cette nouvelle, cette dame infirme passa le reste de la journée à intercéder. Elle refusa même de manger, car elle voulait disposer d'assez de temps pour apporter à Dieu les habitants de son village, nom par nom, suppliant le Seigneur de toucher leur cœur par la prédication de Moody. Le soir même, le Saint-Esprit agit puissamment dans l'auditoire. Moody dut prêcher tous les soirs de la semaine. Tout le monde parlait de ce jeune évangéliste, et bientôt, les invitations se multiplièrent, venant de toutes les villes du Royaume-Uni. Ce premier séjour de Moody en Grande-Bretagne dura près de 2 ans, et ses campagnes rassemblèrent les plus vastes auditoires jamais réunis jusqu'alors pour l'Évangile. Des milliers de personnes reçurent le salut en Jésus-Christ. De nombreuses paroisses furent réveillées, et il y eut tant de vies transformées, de vocations engendrées, que le passage de Moody a laissé partout des traces durables dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Et tout cela avait commencé par la prière persévérante d'une dame infirme. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire d'un homme, d'une femme, d'un enfant qui prie? La prière agissante du juste a une grande efficacité.